Pour continuer, nous prenons un bateau. Le bateau nous a franchis. Ma mère se trouve malade, heureusement. Elle est restée trop longtemps sans manger. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Enfin, la migraine la prend et l'endort. Mon père reste près d'elle, le temps moral nécessaire pour être sûr qu'elle repose, qu'elle est en plein sommeil et qu'elle n'a plus la force de fondre sur lui. Ensuite, il monte sur le pont. Et il y retrouve Chanlère, qui était pion au puits. Avec lui, Jacques et son père vont boire et jouer au domino. La partie de domino est finie. « Jacques, va dire à ta mère que nous montons !» Ma mère m'accueille d'un regard dur et d'un mot menaçant. Mais c'est mon jour de chance. Une dame est venue s'asseoir près de nous et la conversation s'est engagée. Madame Vintra est toujours aux anges quand une femme bien mise lui fait l'honneur de causer avec elle. On parle et les enfants, qui viennent de temps en temps rire à leur mère, m'entraînent à leur jeu. « Jacques, reste là !» « Laissez-les s'amuser ensemble !» dit avec un air de bonté l'interlocutrice élégante. « Vous n'avez pas peur qu'ils se noient ?» C'est tout ce que ma mère trouve à dire. Mais elle est flattée que son fils soit admis dans un jeu d'enfants de riches. « Et si je me noie, tant pis !» Ce soir, quand ma mère m'a laissé libre, je ferai tout pour ne pas me noyer. Si elle m'avait défendu de jouer, je n'aurais pas pu m'empêcher de me pencher sur la roue, de chercher à prendre de l'écume dans le creux de la main. Nous courons d'un bout du bateau à l'autre. Nous hélons le mécanicien, nous tourmentons l'homme du gouvernail, nous touchons au cordage, nous tâtons le cabestan, nous essayons de soulever l'ancre. La journée fuit, le soir arrive. Nous voici à Tours, on relâche ici. Le lendemain matin, nous reprenons le bateau. La dame de Paris est encore avec ma mère et je vais avec ses fils. Ils sont plus remuants que moi et ne s'arrêtent pas au milieu du pont, les lèvres entrouvertes et le nez frémissant pour respirer et boire le petit vent qui passe. Dans ma géographie, j'ai vu qu'on appelait ce pays le jardin de la France. Jardin de la France, oui. Et je l'aurais appelé comme ça, moi, gamin. C'est bien l'impression que j'en ai gardé. Ses parfums, ce calme, ses rives, semées de maisons fraîches et qui roulent de vert et rose, le ruban bleu de la Loire. Il se tache de noir, ce ruban. Il prend une couleur glauque tout d'un coup. Il semble qu'il roule du sable sale ou de la boue. C'est la mer qui approche et vomit la marée. La Loire va finir et l'océan commence. Nous arrivons. C'est Nantes.